Bonjour à toutes et à tous. C'est un autre moment de suivre l'émission Mosaïque conjointement préparée par la radio-télévision Isanganiro et l'ONG Bénévolence Grand Lac. Aujourd'hui, ce débat s'articule sur le thème « Le rôle du Burundi dans la crise régionale et les voies de sortie possibles ». Le Burundi, bien que relativement stable par rapport à certaines périodes de son passé, et néanmoins impliqué dans cette dynamique régionale, il est concerné à plusieurs niveaux. Relations avec la RDC, la présence de groupes armés burundais en RDC et la coopération militaire entre les deux pays. Relations avec le Rwanda, des tensions persistantes existent entre Gitega et Kigali, notamment autour des accusations d'ingérence et de soutien à de groupes rebelles. Engagement diplomatique et militaire, le Burundi est membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, et a participé aux efforts de médiation et de stabilisation dans la région. Cependant, la question se pose, quel rôle joue réellement le Burundi dans la crise régionale? Est-il un acteur stabilisateur ou un acteur de tension? Voilà le sujet autour duquel nous allons focaliser ce débat. Dans ce débat, nous serons avec trois invités. Pascal Niyonizigiye, politologue et professeur en relations internationales à l'Université du Burundi. Bonjour professeur, bienvenue dans Mosaïque. Bonjour Évariste et merci beaucoup de nous avoir invités. Jean-Doudieu Moutabandi, président de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanité. Je rappelle aussi que vous êtes président AI du comité régional de la CIRGL chargé de la prévention et la répression des quatre crimes, à savoir le génocide, le crime de guerre, autres crimes contre l'humanité et toute forme de discrimination, c'est ça? C'est ça, effectivement. Bonjour Évariste aussi. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Je suis content pour l'invitation. Nous sommes également avec Rémi Hafzarimana, expert en résolution pacifique des conflits et représentant légal de la maison Lua d'Espoir. Bonjour Rémi et bienvenue dans Mosaïque. Merci beaucoup. Je salue les autres invités, mais aussi ceux qui sont en train de nous suivre. La mise en onde est assurée par Eric Ouimana et Innocent Bibonimana. Medar Niyonguru est à la réalisation, à l'animation de ce débat. Vous retrouvez Évariste Nzikobanya. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Bénévolentia. Mosaïque. Très récemment, des tractations entre les gouvernements de Kinshasa, Kigali et Gitega ont eu lieu. Les chefs d'État congolais et rwandais ayant fait tête-à-tête à Doha, au Qatar, en présence du roi qatari, alors que les renseignements militaires rwandais et burundais ont aussi organisé de réunion à huis clos. C'est le sujet de ce jour. Jean-Doudieu Moutabandi, vous avez un œil sur la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, il y a la guerre dans la sous-région. Comment expliquez-vous ce phénomène aujourd'hui? Évariste, nous devons nous rappeler que cette guerre que nous sommes en train de vivre, qui est pratiquement à la porte du Burundi, tu sais, Bukavu, c'est pas loin d'ici, même Goma, c'est une guerre qui ne date pas d'aujourd'hui et une guerre qui cache beaucoup d'enjeux, principalement les enjeux économiques, mais avec des facettes de division de nature ethnique, parce que dans le passé, particulièrement le Burundi et le Rwanda, nous avons vécu des conflits et des guerres de nature ethnique, lesquels conflits ont eu des prolongements ou bien se sont étendus chez notre voisin, la RDC. Alors aujourd'hui, le Burundi, dans sa position, il peut jouer un rôle de manière bilatérale, c'est-à-dire entre le gouvernement du Burundi et le gouvernement de Kinshasa, le gouvernement de la RDC. Et même, cela s'est déjà vu parce que vous savez qu'il y avait les troupes burundaises qui étaient en RDC du côté de l'Est et qui ont tout mis en œuvre pour essayer de sauvegarder l'intégrité territoriale de la RDC, même si ça s'est accompagné de ça ne s'est pas accompagné de toutefois de tous les jours avec des succès. Mais aussi le Burundi dans sa position dans la région au niveau africain, il peut aussi jouer un rôle au niveau régional, au niveau multilatéral. Ça s'est déjà aussi fait avec sa contribution des troupes au niveau des forces armées de l'EAC, qui étaient avec les forces armées de la Tanzanie, de la SADC et même du Kenya. Alors, donc il peut jouer plusieurs rôles. Mais comme vous avez parlé de Doha, il faut aussi parler de Luanda. Le Burundi peut aussi jouer un rôle dans la compréhension de la nature du problème. Mm-hmm. Parce que dans la nature du problème, il y a la donne ethnique et même la donne linguistique. Parce que dans l'est du Congo, nous avons pratiquement les mêmes populations qui sont comme ici au Burundi, ou bien les populations qui sont au Rwanda, c'est-à-dire les populations hamitiques, ou bien les populations bantoues. Et parfois, alors, certaines puissances jouent sur ce genre de division pour enflammer la région. Or, le Burundi, ayant déjà vécu ce genre de conflit, étant en train de les résoudre, il peut continuer à expliquer. Alors, de par sa position aujourd'hui, la proximité avec la RDC, la fraternité qu'ils ont là avec le Rwanda, parce que le Rwanda, comme plusieurs personnes le disent, nous sommes de faux jumeaux, mais des jumeaux quand même. Les gens peuvent être de faux, mais des jumeaux quand même. C'est-à-dire, nous sommes le même peuple. Pour entendre écrire le Kinyarwanda, je n'ai pas besoin d'un interprète. C'est la même langue. Nous sommes des jumeaux ou bien des cousins? J'ai dit de faux. Ce sont les mêmes, en fait. Et même parfois, entre eux. Ne parvient pas des fois à se distinguer parce que je peux prendre quelqu'un de, par exemple, de Kabarole, mm-hmm. ou bien dans la région de Bugesera que nous partageons. Mm-hmm. Ils sont difficilement. Tu ne peux pas les différencier. Tout conflit finit toujours sur une étable. Mm-hmm. Alors, si aujourd'hui, malgré des échanges acerbes entre les deux gouvernements, s'il y a des propos qui montrent très bien qu'il y a des menaces, qu'il y a toujours une menace qui persiste, mm-hmm. il y a des contacts qu'il faut même encourager entre les services de renseignement ou bien les forces armées. Il faut les entretenir, mais cela n'empêche pas que parfois il y ait des paroles qui montrent la réalité sur terrain. Mais nous savons d'ores et déjà qu'il faut privilégier le dialogue, il faut toujours donner la place à la diplomatie, tout en sachant que la guerre, s'il faut le faire, parce que la guerre tue. Alors il faut tout faire pour l'éviter. Sinon, quand et vous est imposé, vous devez vous battre. Merci beaucoup. Laissons entendre les autres. Comment ils interprètent la guerre qui se déroule en RDC et l'implication du Burundi. Je suis avec le politologue Pascal Nionidi-Guillet, professeur d'université. Comment est-ce que vous captez la part du Burundi dans la guerre qui se déroule au Congo et son intervention dans la sous-région? Oui, la part du Burundi est vraiment très complexe. Parce qu'au départ, bon, ce qu'on a entendu, nous, bon, c'était que le Burundi s'impliquait dans cette situation au Congo auprès des autres pays de la communauté est-africaine pour essayer de voir comment en fait s'intercaler entre le M23 et les forces de la RDC. C'est ce qu'on avait compris. Mm-hmm. Mais après, on a entendu que le Burundi a envoyé des troupes aussi pour aider les forces de la RDC pour se défaire du M23. Alors, on a compris que le rôle du Burundi était complexe. Mm-hmm. Donc, c'était un rôle qui avait un peu bicéphale. Et c'est ça qui a créé un peu de confusion. Notons quand même que le porte-parole de l'armée burundaise a indiqué que même si vous voyez la présence des troupes burundaises en RDC, c'est juste contrecarrer les groupes rebelles qui avaient l'intention d'attaquer à partir de Rukoko, Kihanga et tout. Oui, ça bien sûr, parce que l'armée c'est pour défendre les frontières. Ouais. Mais par après, c'était déjà confirmé que le gouvernement du Burundi est venu au secours du gouvernement de Kinshasa pour contrecaler les forces du M23. Nous savons que l'armée kenyane, par exemple, avait déclaré bel et bien qu'elle n'était pas venue combattre le M23, qu'elle était venue pour s'intercaler entre ses forces. Voilà, donc une sorte, sommet était entre les deux pour créer une situation de c'était paix. C'était pour la sécurisation uniquement. Alors, par après, c'était créé. Le Burundi a pris une position de venir en aide au gouvernement de Kinshasa. Et comme le Burundi avait des ennuis avec le Kigali, alors les choses se sont compliquées. Se sont compliquées. Et si le Burundi n'avait pas de conflit avec Kigali, je crois que le Burundi aurait pu jouer un rôle de médiateur entre le Congo et le Rwanda très facilement, parce que comme vient de le signer l'honorable Jean de Dieu Mutabazi, nous Burundais nous sommes très proches du Rwanda et nous connaissons le Congo, la RDC. Sur le plan historique, sur le plan culturel, nous avons beaucoup de similitudes avec les Congolais. Il y a des études qui ont été menées sur l'histoire et la culture dans la sous-région. On a beaucoup de similitudes avec tous ces peuples-là. Alors maintenant, les choses se sont compliquées. Dieu merci, nous sommes à un stade où il commence à s'afficher des lueurs d'espoir dans le cadre de la négociation à Doha. Bon, prochainement, on dit que le M23 va rencontrer les représentants du gouvernement de Kinshasa. On nous parle aussi des négociations secrètes, des pourparlers secrets entre les organes de sécurité du Burundi et du Rwanda, ainsi de suite, même si ça n'a pas été confirmé dans la... Bon, on n'a pas assez d'informations là-dessus, mais de toute façon, on en parle. Je crois que nous sommes arrivés à un moment où on est quelque part interpellé par un réflexe de dialogue, de négociation. C'est déjà un bon signe. Je crois que c'est ce réflexe-là que nous devons renforcer. Merci beaucoup. Peut-être que c'est une bonne tendance. Et ça commence par le huis clos. Peut-être que ça sera officiel un jour. Maison lieu d'espoir. Nous sommes avec Rémi Habzalimana, expert en résolution pacifique des conflits. Et qu'est-ce que vous aussi vous faites? Quelle est la lecture que vous faites à ce fait que le Burundi s'est impliqué en RDC alors que d'autres pays, le Kenya, la Tanzanie, se sont retirés? Pourquoi le Burundi a fait cavalier seul? Le Burundi s'était présenté en RDC comme faisant partie des pays de l'Afrique de l'Est. Et lorsque la décision a été prise pour que les forces de ces différents pays regagnent le bercail, le Burundi a jugé bon de laisser une partie de son armée de l'autre côté. Et je crois qu'effectivement, ces questions d'analyse de l'impact de la guerre sur ces différents pays, tous ces autres pays, à part peut-être le Rwanda et l'Ouganda, les pays de l'Afrique de l'Est n'ont pas frontière avec la RDC, sauf le Burundi. De plus, la guerre menée par le M23, justement, prenait une allure dont la direction allait tout droit vers Bujumbura. Je crois donc que le Burundi, constatant peut-être je ne sais pas s'il faut parler de l'inefficacité, tout au moins l'incapacité de contrecarrer l'avancée du M23. Il fallait effectivement que le Burundi protège ses frontières. Et c'est, je crois, la première raison qui a fait que le Burundi, contrairement aux autres pays de l'East African Community, décide que ses forces restent de l'autre côté. D'une part. Mais d'autre part, c'était aussi une façon de dire, comme voisin de ces deux pays, pour peut-être faire ce qui est en train d'être fait maintenant, essayer de jouer le rôle de médiateur, appeler les uns et les autres à la cessation des hostilités, fallait-il que le Burundi soit stable? Et pour sa stabilité, ce n'est pas que être présent au niveau de la frontière que le Burundi partage avec la RDC, mais comme vous le savez, le Burundi aussi avait intérêt parce que, disent-ils, il y a des mouvements effectivement rebelles qui sont de l'autre côté. Alors, c'est donc dans cette optique-là que je peux dire ou justifier la présence des forces du Burundi en RDC. Néanmoins, je constate comme les autres qu'effectivement, la situation ne s'est pas arrêté à ce niveau. Il y a des tractations qui sont en cours et qui sont en train d'être faites. Et je crois que les contacts qui sont en cours vont dans le sens d'encourager. Et il faudrait vraiment, autant que possible, que le Burundi et le Rwanda, nos centres, n'aillent pas à l'étape de se faire la guerre. Parce que, effectivement, d'une part, le Burundi aura perdu son caractère de médiateur, mais en même temps, ça créerait plusieurs fronts et on ne saurait cette fois-ci dire ou plaider pour la paix lorsqu'on est déjà totalement impliqué directement. Parce que tant que l'armée burundaise est présente en RDC, c'est au moins pas encore officiellement contre le Rwanda. Mais si demain les tractations ne réussissaient pas et que les deux pays ne s'entendent pas sur une certaine accalmie au niveau des hostilités, ça ferait qu'effectivement la situation s'empire et là le Burundi sera directement engagé dans la guerre. De temps en temps, on entend des discours de l'autre côté du Rwanda, des discours de l'autre côté du Burundi qui ont un sens de haine, qui ont un sens de nuire. Peut-être qu'on n'ira pas jusqu'à la guerre. Jean Dodieu Mutabazi, tout à l'heure vous parliez d'un dialogue, mais on constate que les militaires burundais qui étaient de l'autre côté de la RDC, juste à côté de Goma, maintenant ils ont reculé, ils sont au sud Kivu. Ne serait-il pas la raison de voir le Burundi accepter de faire des pourparlers avec le Rwanda à travers les services de renseignement? Il y a deux réunions qui se sont tenues, une à Kigali et une autre tenue à Kirundo. Parlons en termes de priorité. Alors, la première priorité, c'est de se protéger soi-même. C'est de balayer devant sa case. La deuxième priorité, c'est de bloquer le feu, d'éteindre le feu de son voisin. Donc, il y a les deux priorités. Alors, le Burundi, dans sa deuxième priorité, il a enregistré, je dirais, il a enregistré certains, je dirais, certaines déceptions du fait que les forces armées burundaises ont constaté que ils ne pouvaient pas se battre avec toute l'énergie, alors que ceux qui devaient être, qu'ils étaient allés assister, ne voulaient pas se battre. Alors, tout à l'heure, je disais que au sein des forces qui dépendent de l'état-major de Kigali, il y avait aussi ceux qui portent l'uniforme des FARDC, les infiltrés, qui ne veulent pas se battre, qui laissent les armes, les munitions, qui laissent même les choses à manger et préfèrent prendre leur fusil en bandoulière et fuir. Ça veut dire que s'ils dépendent de l'état-major de Kigali et qu'ils leur disent « laissez avancer les M23 », ça veut dire qu'ils sont les mêmes. Il y en a même une liste des officiers qui ont été jugés au niveau de l'auditorat militaire à Kinshasa pour trahison. Alors, quand cela a été constaté sur terrain, qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas se battre, alors que les forces armées burundaises étaient allées les aider à protéger leur intégrité territoriale, alors ils se sont, comme tu dis, retirés petit à petit, ils se sont repliés vers le sud. Alors, en arrivant vers le sud, alors la première priorité, alors, elle est entrée en jeu, c'est-à-dire défendre l'intégrité territoriale du Burundi. Celui qui vous entend risque de vous taxer de menteur. Quand vous parlez de M23, vous mélangez avec les histoires du Rwanda. Non, c'est uniformes. Non, Kabarebe a dirigé deux armées. Il a été chef d'état-major de deux armées. Alors, c'est pourquoi, alors, stratégiquement, donc, l'état-major de Kigali, il y a les RDF, c'est-à-dire les fausses armées rwandaises. Il y a les M23. Tout le temps, le Rwanda dit qu'il ne soutient pas le M23, mais tous les rapports qui tombent ont déjà montré qu'ils les soutiennent. Ça, c'était avant l'opération qui tourne. Oui. Alors, à un certain moment, ils ont dit, même le président rwandais a dit, ah, vous savez, je ne peux pas contrôler tous mes militaires. C'était une façon d'avouer pour le M23. Alors, après, on a constaté qu'avec les histoires, parce qu'avant le M23, ça c'est le M23, il y a le M23 premier. Il y avait tout le temps des négociations. Et avant le M23 premier, il y avait le CNDP. Tout le temps, quand il y avait des négociations, ils disaient non, nous on ne veut pas venir à Kinshasa, on veut intégrer l'armée, mais être à l'est, au niveau des forces armées, au niveau de la police et même au niveau de l'administration. Alors aujourd'hui, quand tu remarques qu'ils ne se battent pas et que moi, je dis que ils dépendent de Kigali, il y en a qui disent oui, c'est évident. Ceci, comme disent les Français, vous êtes mieux en français que moi, ceci explique cela. Donc il ne faut pas aller chercher d'autres preuves. Alors les forces armées burundaises, maintenant ils sont à leur première priorité, c'est-à-dire défendre l'intégrité territoriale du Burundi. Alors, pour ce qui est des menaces, tout à l'heure, quand nous avons même suivi l'intervention du président de la République sur BBC, il a dit que la menace est réelle. Mais comment est-ce que tu peux justifier que le Rwanda ne livre pas au gouvernement burundais les putschistes de 2015 et qu'il prétend qu'ils dépendent du HCR, alors qu'ils sont ils ne sont pas dans les médias HCR, parce que ceux qui sont dans les médias HCR, ils sont dans le camp de réfugiés à Mahama, alors que les autres sont dans des villas, ils sont toutes les formes de renseignement prouvent qu'ils sont dans les médias du gouvernement rwandais, mais ils ne veulent pas les livrer depuis 2015. Mais il y a aussi le Rwanda qui accuse le Burundi d'entretenir les FDLR. On va y arriver. Oui. On va y arriver. Uh-huh. Tout à l'heure dans la langue nationale, pour les questions du génocide, l'Allemagne nazie avec les vainqueurs, le premier tribunal de Nuremberg, ils n'ont jugé que le cerveau. Parce que les autres Allemands, même s'ils ont tué les Juifs, ils étaient en train de suivre les ordres du cerveau des nazis. Ils n'en ont jugé que moins de 10, je pense 6. Or, aujourd'hui, pour un génocide, pour les Hutus qui ont intervenu dans le génocide des Tutsis, il y a depuis 1994, certains, il y en a qui ont réintégré, que Paul Kagame a réintégré dans son armée. À part, ils ont retiré de la RDC et ils les ont mis dans son armée. Les Gwabakabije, les autres, etc. Et les autres, ils sont ici, c'est comme leurs enfants ou bien leurs neveux, mais ce sont des Hutus qui ont fui loin, loin de la frontière, de la frontière rwandaise. Alors, c'est pourquoi ça devient un alibi pour réaliser sa mission de prédatrice pour les minerais à vendre à l'RDC. Donc, pour dire que le Burundi est en train d'entretenir les terres, c'est un gros mensonge qui ne passe même plus dans l'oreille des Occidentaux. Et cela justifie pourquoi ils ont, pour la première fois, pris des sanctions, même des sanctions sévères envers certains officiels du M23. Oui, exactement. Parce qu'ils sont conscients qu'en réalité, c'est un alibi. Il y a, je ne sais pas comment vous pouvez traduire que quelqu'un a une idéologie de génocidaire. Parce que donc son parent ou bien son grand-parent a été génocidaire. Ça ne peut pas tenir, ça ne peut pas marcher. Parce que le crime, il est individuel. Si ton papa a fait un crime, est-ce que c'est toi qui es le criminel? Est-ce que c'est sa femme qui est le criminel? Est-ce que c'est son cousin qui est le criminel? Alors, c'est pourquoi c'est un grand mensonge qui n'est plus convaincant, mais que la réalité, la vraie racine de la guerre, ce sont les richesses. C'est une guerre économique. Évoluons dans ce débat avec ces tractations qu'on a observées ces derniers temps, tête à tête entre Kagame et Tshisekedi, devant le roi du Qatar à Doha, et ces rencontres de renseignements militaires burundais, rwandais. Comment est-ce que vous interprétez cela? C'est juste après les sanctions qui ont été prises par l'Union européenne. Ne vous arrêtez pas au pourparlers. Il y a aussi Angola. Ne vous arrêtez pas, il y a aussi Angola, mais il y a aussi plusieurs émissaires français, plutôt américains, qui sont venus dans notre région. Oui, il y a aussi le représentant de l'Union européenne qui a passé. Ils sont en train de venir voir la réalité sur le terrain. Parce qu'ayant pris les sanctions contre Kigali, parce qu'on leur avait accusé qu'ils avaient acheté des minéraux moins chers, mais des minéraux de sang, et qu'en réalité, eux aussi, c'était le terme aujourd'hui, les receleurs. Receleurs, c'est quand tu achètes quelque chose qui a été volé. Oui. Alors, ils étaient accusés de receleurs. Ils ont dit, bon, vaut mieux acheter à un bon prix, mais acheter chez le propriétaire. Alors, ils avaient honte. Et alors, ils ont décidé de prendre les sanctions contre Kigali, qui leur vend le diamant, le coltan, le cobalt, etc. Alors que ce genre de minéraux, on ne le retrouve pas. On ne le retrouve pas à Kigali. Mais également, n'oublie pas, pour toujours montrer que la vraie raison de la guerre, c'est une guerre économique. Tu sais que le Qatar a beaucoup investi, qu'il voulait même construire un aéroport à Bouguessera. Ils ont construit j'oublie les hôtels des Qataris, s'appellent comment encore? Ils ont construit beaucoup d'écoles, ils ont investi beaucoup d'argent. Alors, si tous ces investissements s'obutent sur les sanctions, ça veut dire que tous les investissements vont tomber en réalité dans l'eau et qu'ils auraient perdu. Alors c'est pourquoi ils ont vite fait de commencer ces pourparlers pour voir comment il peut y avoir la paix. Parce que pendant la guerre, ils ne peuvent pas fructifier leur argent. Ceci vient en réalité prouver encore une fois qu'en réalité, ce n'est pas notre guerre. C'est plutôt la guerre des gens qui sont puissants dans le monde. Il faut aussi ajouter les émissaires américains qui sont venus sur terrain à Kinshasa et à Kigali, mais également, et même quand tu remarques la position de la Belgique, tout en n'oubliant pas que la RDC, ce fut une propriété du roi Léopold II. Laquelle propriété il l'a léguée à qui? À la Belgique. Ils disent, mais cette guerre, elle me concerne directement. Elle me concerne directement. Est-ce que c'est de l'amour ou bien est-ce que c'est de l'intérêt? Parce que on a l'habitude de dire que entre États, il n'y a pas d'amour ou d'amitié, mais qu'il y a des intérêts. Donc, de plus en plus, en profondeur de ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui, nous voyons que cette guerre concerne les plus grands de son monde, parce que il faut l'avouer, la RDC, c'est comme un accident. C'est-à-dire, la RDC a toutes les richesses du monde se trouvent là. Si bien que chacun, il peut venir à plusieurs kilomètres, très loin, et dire, ah, moi je veux ma part. Ah, je veux ma part. Ah, je veux ma part. Dans tout cela, le Burundi étant honnête, voulant plutôt avoir une bonne coopération entre son frère, la RDC, il préfère plutôt avoir de bonnes relations, développer un bon commerce et développer des relations gagnant-gagnant avec la RDC. Alors que de l'autre côté de la Kanyaro, le Rwanda, lui, plutôt, il préfère d'autres subterfuges pour essayer plutôt de passer dans le pillage des minéraux et les vendre à l'Occident. Et cela est réel et personne ne le nie plus. Donc, en ce qui est de ces deux réunions qui se sont tenues, l'une de l'autre côté de la Kanyaro et l'autre à Kirundo, entre le Burundi et le Rwanda. Entre le Burundi et le Rwanda, je vous ai dit que toutes les guerres du monde se sont terminées sur la table. Donc, selon vous, c'est une avancée. Donc, il faut privilégier le dialogue. Alors, tout en négligeant pas de se préparer. Alors, quand certains Français, certaines personnes disent en français que qui veut la paix, prépare la guerre. Pourquoi est-ce que tous les pays du monde ont une armée? C'est parce qu'il faut protéger son peuple, il faut protéger ses richesses, il faut protéger ses biens. Même toi, je suis sûr que chez toi, je ne dis pas que tu as nécessairement un jardinier, quoi, mais tout le monde a presque un veilleur. Parce que comme on dit en Kirundi, il faut avoir une richesse, mais il faut savoir la protéger. Alors, donc, le Burundi a la première mission, surtout les hautes autorités de pays, à travers le chef de l'État, comme il l'a fait dans son serment, il doit protéger les Burundais et l'intégrité territoriale du Burundi. Et quand il y a une menace qui pèse, qui se voit à travers le comportement de notre voisin depuis 2015, c'est évident que la menace est réelle. Et en deuxième lieu, quand le chef de l'État dit qu'il y a une menace, il se base sur les informations de ses services, de ses services de renseignement. Il a des renseignements. Et pourquoi est-ce que le Rwanda entraînerait militairement, encadrer certains éléments de l'État qui sont au sein du M23? Pourquoi est-ce que le Rwanda ne pourrait pas livrer les putschistes de 2015 et les Niyombare? Cela montre qu'il y a des intentions, que quand tu ne veux pas être aveugle, il y a des intentions qui sont visibles. C'est pourquoi il faut se préparer tout en gardant une porte ouverte, laisser les deux services de renseignement, Burundi et Rwandais, se parler, laisser les services militaires se parler, mais tout en restant sur le pied de guerre. Sinon, à Luanda, du fait que les sanctions étaient tombées sur les chefs militaires du Rwanda, le M23 ne pouvait pas se rendre à Luanda. Et pourtant, l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, avait déjà signé l'ordre de mission. Il avait déjà signé l'ordre de mission. Et à Kigali, ils ont dit, pourquoi est-ce que nous, on irait dans ces négociations alors que nous avons des sanctions qui nous pèsent dessus? Il ne faut pas y aller. Cela était une preuve évidente qu'ils sont dirigés à partir de Kigali. Mais la guerre finira un jour. Elle doit finir, premièrement. C'est pour plusieurs raisons. Elle doit finir, mais c'est regrettable qu'elle vienne de durer longtemps. C'est quand même une trentaine d'années. Il a déjà emporté plus de 10 millions de personnes. Plus de 10 millions de personnes. Et en plus, des femmes, des enfants, des vieux qui sont en fait des innocents, des civils. Il n'y a pas d'autre issue que de mettre fin à cette guerre. Merci beaucoup. Pascal Nyonizi-Guié, expert en relations internationales. Comment expliquez-vous c'était tête à tête entre Kagame et Tshisekedi, alors qu'ils étaient des ennemis jurés hier. Comment expliquez-vous ce phénomène aujourd'hui? Et à Doha, mais pas à Luanda. Voilà, à Doha, mais pas à Luanda, Luanda, on peut dire. En Angola. Voilà, donc c'est lié à ce qu'on a dit, surtout dans la langue nationale, c'est qu'il y a une hiérarchie internationale. Le monde est dirigé d'une certaine manière. Il y a un ancien secrétaire d'État américain qui est mort il n'y a pas longtemps, Henry Kissinger, qui a publié un livre en 2016 intitulé « L'ordre du monde ». Parce que le monde est ordonné. Même si certaines personnes qui ne sont pas avisées ont l'impression qu'il y a plutôt une sorte de désordre mondial, surtout après la chute du mur de Berlin. Mais on a visé justement un pays, comme vient de le dire l'honorable Jean de Dieu Mutabazi, un pays qui a beaucoup investi au Rwanda. C'est-à-dire l'émirat de Qatar. Si l'émirat de Qatar parle, le Rwanda doit écouter. Et même le Congo écoute, parce qu'il sait très bien que le Qatar peut investir d'une manière très salutaire au Congo. Voilà. Donc, c'est mon ami Rémi Havyarimana qui l'a souligné aussi. Le monde est dirigé. Il est dirigé, je ferai allusion à la chanson, la célèbre de « Qu'est-ce qui fait marcher le monde ?» C'est le sou, c'est l'argent. Donc ça, c'est très, très important. Et on joue sur ça dans les négociations. On fait intervenir des gens qui ont du poids sur le plan économique, sur le plan financier, et ainsi de suite. Et c'est pour cela que Doha a été, disons, le lieu de rencontre entre les deux chefs d'État qui, au départ, étaient considérés comme des gens qui n'allaient se rencontrer qu'au ciel. C'est ce que je crois, le président Tshisekedi. Mais il a rencontré à Doha. Nous, on dit, Dieu merci, si ça pouvait continuer. Parce que nous, on veut que cette guerre se termine, comme vient de le dire l'honorable Mutabazi. Cette guerre a trop duré, il faut qu'elle se termine et qu'on se mette au travail. Nous avons besoin d'arriver au niveau d'un État, d'un pays émergent en 2040 et d'un pays développé en 2060. Rémi Abzaliman, expert en résolution pacifique des conflits, il y a Luanda qui convoque un sommet pour tenter de désamorcer la crise en RDC. Et voilà, la réunion n'est pas tenue, mais on voit une tête-à-tête à Doha. Comment trouvez-vous ce terrain d'entente controversé? Bon, voilà. Comme le professeur vient de le dire, je crois que c'est une question d'hiérarchie. Et dans cette guerre qui a trop duré, à l'est du Congo, je crois que peut-être il y a lieu d'espérer que nous tendons vers les dernières étapes de la guerre. Pourquoi? Parce que pour moi, je pense et suis convaincu que tant que les vrais négociateurs commencent à s'approcher de la table de négociation, c'est-à-dire que les vraies questions devraient être posées et finalement trouver des solutions adéquates. En fait, nous savons tous que ce que nous vivons ici, c'est ce que les autres appellent les guerres par procuration. C'est-à-dire que ceux qui font la guerre ne sont pas nécessairement ceux qui ont conçu et qui mettent en œuvre tout ce qu'il faut pour que la guerre ait lieu. Il y a donc trois niveaux. Il y a d'abord ce que nous pourrions appeler les têtes pensantes, ou la tête pensante, ceux qui réfléchissent, planifient et mettent sur pied une sorte d'orientation de ce qui devrait être fait. Et là, ce sont les superpuissances qui, eux, ne veulent que les mines qui sont une sorte d'accident, comme il a si bien dit, au Congo. Alors, mais pour y arriver, ils ne peuvent qu'engager ceux qui sont sur le terrain. Et ceux qui sont sur le terrain, en principe, pour le cas du Congo, l'Est du Congo n'est pas nécessairement mieux maîtrisé par Kinshasa que par Kigali, que par Kampala, que par Bujumbura. Faudrait-il donc que ceux qui ont besoin d'avoir les pieds sur l'Est du Congo doivent passer par ceux qui sont proches de cet endroit-là. C'est pour cette raison que les principaux acteurs de terrain ne sont pas nécessairement ceux-là. Alors, ils passent par ceux qui peuvent directement donner des ordres aux acteurs qui vont sur le terrain. Et c'est justement ces trois pays, principalement. Alors, il y aura la troisième catégorie, à savoir ceux qui se battent sur le terrain. Malheureusement, et encore une fois, faudrait-il leur trouver une sorte de raison valable, et c'est malheureusement ce qui est fait. Ceux qui se battent, soit discutent autour de l'ethnie, autour des langues, autour de petites différences qui ne sont créées que ponctuellement pour qu'ils soient distraits, afin que ceux qui savent ce dont ils ont besoin aient le temps de mieux exploiter leurs richesses, les mines, au moment où les autres sont en train de se battre. Et le fait et le constat est que, au moment où la guerre bat son plein, il y a des zones qui sont surprotégées par des militaires. En même temps, l'extraction est en cours. Voilà. Alors, maintenant donc, lorsqu'il faut cette fois-ci aller sur les tables de négociation, c'est la deuxième étape au final de ce processus de guerre par procuration qu'ils qualifient de chaos maîtrisé. C'est-à-dire qu'ils savent comment ça a commencé, ils savent comment ça évolue, et à un temps voulu, ils vont maîtriser la situation par amener ceux qui doivent s'asseoir ensemble pour qu'ils discutent. En d'autres termes, ce ne sont pas ceux qui se sont présentés à Doha qui sont allés de bon cœur. Ils sont sous les ordres de têtes pensantes, comme nous l'avons dit. Alors, lorsqu'ils trouvent que leurs intérêts risquent de basculer, ils appuient sur le bouton et ils doivent répondre. Pour moi, c'est gênant que la présence à Luanda n'ait pas eu lieu, mais ça se comprend parce qu'effectivement, qui devrait se rendre à Luanda ? Ce sont les acteurs de troisième niveau. Mais au moins maintenant, on est sur le cas Doha. C'était les acteurs de deuxième niveau, plus le médiateur, entre guillemets, qui fait partie du premier groupe, c'est-à-dire la tête pensante. Ceux qui sont directement attachés à ces richesses, ceux qui peuvent investir, ceux qui peuvent démettre les responsables et installer ceux qui sont à leur faveur. Donc, je me dis donc que nous sommes à l'étape où les vrais négociateurs, les vrais initiateurs de la guerre, comme ils commencent à se mettre autour d'une table un à un, parce que voyant que leurs intérêts risquent de basculer, demain nous aurons autour de la table tous ceux qui commanditent ou qui de loin téléguident la guerre, alors je crois que nous aurons les vrais sujets sur table et par conséquent les vraies solutions sur table. Est-ce que les sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda, contre aussi les quatre cadres du M23, comme on l'a dit, il n'y a pas risque que le processus n'avance pas? Là, vous êtes sur la phase de chaos maîtrisé. C'est-à-dire, encore une fois, qu'il ne faut pas lire le contexte local. Si vous ne le liez pas avec la tête pensante, ce que veulent celui qui a fait que les choses se fassent de la sorte, vous n'allez pas effectivement y voir une issue. En fait, ceux qui sont aujourd'hui sous sanction, c'est-à-dire que quelque part, ils peuvent être considérés comme une vieille chaussette. C'est d'ailleurs le terme que souvent on utilise. Vous êtes au service de cette tête pensante tant que vous satisfaisez à leur demande. Mais une fois qu'ils pensent que vous n'êtes plus en mesure de jouer pleinement votre rôle, ils doivent cibler quelqu'un d'autre qui devrait le faire. Et pour vous remplacer, ce n'est pas une négociation que vous faites. Ils coupent le pont et vous basculez. Et je crains qu'effectivement, si dans cette situation, ceux vers qui les sanctions sont orientées n'agissent pas en conséquence et se préparent pour voir et militer en faveur d'une sortie honorable, la situation risque d'aller dans ce sens et se retrouver plutôt pénalisée parce que de ces pays, là, visiter ce qu'ils appellent... une sorte de convention qu'ils se sont faites pour départager effectivement les pays d'Afrique et tout ce qu'ils veulent. Là, on vous lâche et c'est vous qui allez subir toutes les conséquences négatives de ce qui a été fait. Et eux, ils sont là en train de tourner les pouces comme s'ils n'avaient rien fait effectivement. Parce que c'est eux qui font et défont ce qui se fait sur le terrain. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque. Je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre, qui sont à l'écoute de l'émission Mosaïque, sur le rôle du Burundi dans la crise régionale et les voies de sortie possibles. Jean-Louis Moutavadi, quel devrait être le rôle du Burundi? C'est aller faire la guerre là-bas ou déclencher les pourparlers entre les protagonistes? Bon, comme je le disais tout à l'heure, il y a les premières priorités que le Burundi doit faire. C'est d'abord, il doit d'abord protéger, se protéger lui-même, puis protéger ses voisins et ou bien faire la médiation et jouer un rôle de bon office pour que nous soyons dans une région paisible. Alors, la première chose que le Burundi doit faire, il doit faire comprendre à notre voisin le Rwanda qu'il n'a pas intérêt à faire la guerre. Même si le Rwanda, depuis 1994, le gouvernement est très très belliqueux. Il est très belliqueux parce que c'est vraiment d'expérience. Parce que le président rwandais a déjà eu eu des conflits avec ses amis de l'Ouganda. Mm-hmm. Ils se sont déjà même battus sur le terrain de la RDC. Mm-hmm. Le président rwandais Paul Kagame a déjà eu des conflits directs avec la Tanzanie. Mm-hmm. Il était dirigé par le président Kikwete. Le président Kagame a déjà eu, cette fois-ci, à plusieurs reprises, des conflits, même qui très très coûteux en vies humaines avec la RDC. Et il a déjà eu des conflits avec le gouvernement burundais, mm-hmm. et en particulier depuis 2015. Mm-hmm. Donc il est belliqueux, c'est un ventre en guerre et qui n'hésite pas à commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Mm-hmm. Alors il faut le faire comprendre. Deuxièmement, le Burundi, on remarque que face à un voisin comme ça, il doit, être prêt à tout. Mm-hmm. Parce que quelqu'un qui veut vous faire la guerre, c'est comme un voleur, il ne vous appelle pas. Mm-hmm. Il ne vous téléphone pas. Alors, le Burundi doit se préparer, mettre tout en œuvre pour pouvoir protéger sa population et son intégrité territoriale. Mm-hmm. Mais à côté de cela, n'oublions pas que le Burundi, aujourd'hui, il se retrouve, le président burundais, il est dans plusieurs, forats, dans plusieurs forats, notamment comme vice-président au niveau de l'Union africaine, mm-hmm. et pour cela ils doivent faire respecter les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont pris des sanctions envers Kigali, et il faut que ces sanctions soient respectées pour que Kigali puisse ne continue pas à déranger ses voisins, mais également la charte des Nations Unies qui nous lie tous, c'est une charte qui nous oblige à respecter les différentes frontières. Mmh. Alors pour cela, il faut que ces frontières, les frontières entre Kigali et Kinshasa soient respectées. Et pour cela, le Burundi doit jouer son rôle. Mmh. Mais également, à côté de cela, je le disais tout à l'heure, du fait qu'au niveau de la configuration sociale ou bien au niveau de la configuration des peuples, nous sommes les mêmes, nous comprenons mieux. Quand on parle des rwandophones, on sait aujourd'hui que ces rwandophones, il y en a, ils ne soutiennent pas la guerre, parce que la guerre qui se fait chez eux emporte plusieurs vies humaines de leur côté. Mmh. Et cette question, elle peut être mieux débattue. Qu'à cela nous tienne, l'essentiel, c'est mettre tout en œuvre pour une réconciliation, non seulement une réconciliation comme pays, même comme gouvernement, mais également une réconciliation au sein du peuple rwandais, Hutu et tout cela, mais également une réconciliation au sein du peuple burundais. C'est très très important pour qu'on puisse tous avancer, comme disait le professeur, mm-hmm. avancer vers le développement. Mm-hmm. Je disais aussi, comme je suis le président du comité régional contre les génocides, crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité, etc., j'ai rappelé le tribunal de Nuremberg. Il n'y a que six personnes, six Allemands nazis qui ont été condamnés. Parce qu'on ne pouvait pas condamner tous les petits capots qui avaient intervenu pour assassiner les pauvres juifs. On a continué à faire des arrestations pendant très longtemps. Oui, l'un ou l'autre, mais ça ne peut pas oui. atteindre ce que... En Amérique latine et ailleurs, oui. il y a des arrestations. Mmh. Alors, c'est pourquoi cette question, la question d'Eftel doit être suivie, approfondie, ne pas être un alibi comme le fait aujourd'hui pour aller faire des guerres prédatrices. Parce que je sais qu'à un certain moment, on a dit, ok, montrez-nous ces FDL où ils se trouvent pour qu'on puisse les attaquer. On les a repoussés jusque très très loin. Et il y en a même qui ne sont plus... Au courant de rien. Alors c'est pourquoi moi je disais que l'exagération de cette histoire d'avoir l'idéologie génocidaire que au Rwanda on dit ingengabite kirezo, il y a génocide, quelque chose comme ça, ça devient en fait un alibi qui ne passe plus, qui n'est plus convaincant. Donc aujourd'hui, comme je disais, le Burundi, la vision du gouvernement du Burundi, du président du Burundi, c'est plutôt une vision de réconciliation, une vision de coopération, une vision de faire la paix, mm-hmm. et non une vision de faire la guerre. La guerre. C'est pourquoi le Burundi, il est aujourd'hui en bonne position. Mais toutefois, le président de la République, il a aussi le devoir d'informer le peuple burundais quand il y a une menace. Merci beaucoup. Nous sommes dans les dernières minutes de ce débat. Professeur Niyonizigiye, on voit qu'il y a tractation, il y a le rôle des Nations Unies. Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour qu'on en finisse avec cette guerre en RDC qui a trop duré? Donc, ce qui doit être fait, c'est de suivre justement cette dynamique de la paix, ça veut dire de négociation, de pourparlers. On peut avoir des conflits entre les pays, mais l'important, c'est de civiliser le conflit. Ici, je me réfère à un historien et politologue camerounais, Achille Mbembe, qui enseigne dans une université sud-africaine, qui a créé ce concept, civiliser les conflits. Parce qu'on sait très bien que dans toute communauté, dans toute région, sous-région, il y a nécessairement des conflits. Mais l'important, c'est de savoir les résoudre pacifiquement. Mm-hmm. Parce que la résolution pacifique des conflits coûte moins cher que l'option de la guerre. C'est ce qui a été souligné par l'honorable Jean-Didier Mutabazi et d'ailleurs par mon ami Rémi Havyarimana qui s'intéresse à la résolution pacifique des conflits. Ça coûte moins cher. Pourquoi est-ce que l'Occident a dominé le monde pendant si longtemps? C'est parce qu'il a compris à un certain moment que l'option de la guerre est contre-productive. À partir de 1945, pratiquement, il n'y a plus de guerre entre les démocraties occidentales. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de conflit entre eux. Ils en ont, mais ils savent les résoudre pacifiquement. Parce qu'ils ont compris, au fil des siècles, depuis pratiquement, on va dire, le XVIIe siècle, jusqu'au XXe siècle, ils ont connu beaucoup de guerres, que les guerres sont contre-productives. Nous devons arriver à ce niveau-là. Je crois qu'on est en train d'y aller petit à petit. Donc il faut s'inscrire dans cette philosophie de la paix qui est payante. Parce que si vous civilisez le conflit, qui est tout à fait naturel. D'ailleurs, si vous consultez des penseurs comme Marx, ils vous diront que le conflit, c'est le grand moteur de l'histoire. Parce que c'est lui qui a fait que les classes sociales se battent entre elles pour développer les sociétés sur le plan socio-économique. Mmh. Jusqu'à ce niveau, nous sommes. Voilà, donc c'est s'inscrire dans le cadre des pourparlers, des dialogues, des négociations qui vont se faire certainement de plus en plus. Parce que maintenant on est un peu informé sur ce qui s'est passé à Doha, prochainement à Luanda. On a entendu parler des rencontres secrètes entre les services de renseignement burundais et rwandais. Je suis sûr et certain que demain après demain, il y aura d'autres tractations. Mmh. Et Dieu seul sait combien on en a besoin. Mmh. Et merci beaucoup. Il y a les efforts diplomatiques aujourd'hui qui commencent à se faire entendre. Rémi Havyarimana, expert en résolution pacifique des conflits, qu'est-ce qui doit être fait dans l'immédiat pour que cette guerre qui a trop duré dans la sous-région prenne fin. Ce qui devrait être fait déjà en cours, et ça crée plus d'optimisme chez moi, c'est que on commence à nommer le chat par son propre nom. C'est-à-dire que la guerre économique qui hier se traitait d'une façon sournoise sans nécessairement dire de quoi il s'agit, commence à prendre forme. Parce que maintenant, comme je le disais tout à l'heure, si les deux présidents congolais et rwandais se retrouvent à Qatar, c'est-à-dire que c'est clair, on parle concrètement questions économiques, questions investissement. Si aujourd'hui on entend les délégations américaines qui visitent Kinshasa, on parle du concret. C'est du donnant-donnant dans le système de gagnant-gagnant. C'est-à-dire, les Congolais disent, nous avons ce dont vous avez besoin, mais pour les avoir, convenons-nous de la méthodologie. Alors, si cela est fait, ça va créer plutôt une sorte de course vers ces richesses. Et c'est pour cette raison que la diplomatie ne peut se limiter qu'aux Américains. Ça va aussi vers les Russes. Ça va aussi vers les Chinois. Donc, toutes les superpuissances vont se retrouver un jour autour d'une table. Mmh. Parce que lorsqu'ils comprendront que plutôt que financer des guerres, comme le professeur l'a si bien dit, qui coûtent cher, pourquoi ne pas s'asseoir sur une table et négocier avec les termes concrets, précis, sur ce dont chacun a besoin, afin que et le Congo, qui est doté de tous ces minéraux, soit effectivement rémunéré à juste valeur, et que ceux qui peuvent les utiliser les achètent au réel prix. Là, on aura décidé que de mettre à côté la voie de la guerre, et on va privilégier cette fois-ci la voie des négociations, qui finalement met sur la table les questions économiques qui, en fait, sont les vraies causes de la guerre que nous subissons au Congo. Donc, je suis très content que les tractations aient déjà eu lieu entre le Rwanda et le Burundi pour qu'il n'y ait pas guerre entre nos deux pays. Je suis très content que les frontières burundaises et congolaises soient protégées telles qu'elles sont aujourd'hui. Et j'encouragerai le Burundi, cette fois-ci, d'aller à l'étape suivante. Parce que les superpuissances aujourd'hui qualifient le Burundi de « balcon du Congo ». C'est-à-dire que tous ces yeux qui sont plaqués vers le Congo ne peuvent pas passer par Kinshasa parce que c'est très loin de ce dont ils ont besoin. Et si le Burundi se positionne stratégiquement pour qu'il joue le rôle de pont entre tous ceux qui veulent justement aller au Congo et intensifie les relations entre le Congo pour qu'ils aient, je dirais, même une sorte de plein pouvoir de bien faire ce que le Congo voudrait voir être fait, c'est-à-dire permettre l'exploitation de ces minéraux, mais d'une façon que le Congo gagne, que le Burundi gagne, et que tous ceux qui veulent ces minéraux les achètent à vraie valeur. La guerre aura pris fin et tout le monde vivra pacifiquement. La guerre aura pris fin et tout le monde vivra pacifiquement. Voilà, c'est sur ces appels et ces recommandations que se referme ce débat qui vous a été préparé par la radio-télévision Isanganiro en collaboration avec Bénévolentia Grand Lac. Je remercie à Pascal Nyonizigiye, politologue et professeur en relations internationales à l'Université du Burundi. Merci d'avoir participé, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Évariste de m'avoir invité. Même la prochaine fois, si vous avez besoin de mon intervention, j'y répondrai sans entrave. J'étais autour de ce plateau avec Jean-Louis Moutabadzi, président de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanité, président AIOC du comité régional de la CIRGL chargé de la prévention et la répression des quatre crimes, génocide, crimes de guerre, autres crimes contre l'humanité et toute forme de discrimination. Merci d'être venu dans Mosaïque. Merci aussi Évariste, merci aussi aux experts Pascal et Rémi et merci aussi pour ceux qui sont en train de nous suivre. Merci aussi à Rémi Abzalimana, expert en relations à résolution pacifique des conflits et représentant légal de la maison Lueur d'Espoir. Merci à vous aussi d'être venu. Merci pour votre invitation. Je remercie ceux avec qui nous avons dialogué, mais je remercie aussi ceux qui nous ont suivis par la radio et la télé. À la mise en onde, j'étais avec Eriku Imana et Innocent Yonimana. Médard Nyonguru était à la réalisation, à l'animation de ce débat. Vous étiez avec Évariste Nzikobanyanga. Bonne suite de nos programmes. À la prochaine. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Bénévolentia. Mosaïque.